René Pazel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, et sa suite ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le monument aux idées du Juche, la patinoire couverte, le club d'équitation de Midim et autres endroits.